Bonjour et bienvenue sur Radio Gamozo pour l'émission Drôle d'expression et questions délirantes. On va continuer à prendre des choses dans la bonne humeur. Allez hop, on se lance tout de suite avec une expression très connue. Avoir des fourmis dans les jambes. Comme tout le monde le sait, c'est avoir envie de bouger. Pour éviter tout malentendu avec le fait d'avoir réellement des fourmis sur les jambes, l'expression avoir des fourmis dans les jambes signifie qu'on ressent des picotements semblables à ceux que produiraient des fourmis courant sur notre peau. Il faut alors se dégourdir les jambes, on a envie de bouger, de marcher, de partir. Je cite. On avait les fourmis de la récréation, la vraie, celle de 4 heures qui durait 20 minutes. Louis Aragon, tiré du livre Les Voyageurs de l'Impérial chez Gallimard, en 1942. La sensation de picotement des jambes qui apparaît au repos en position assise ou allongée est un phénomène banal, survenant plutôt le soir ou pendant la nuit. Ces impatiences insistent à se lever et à marcher. Pendant longtemps classé parmi les petits bobos, ce problème ne justifiait que quelques conseils pratiques de la part des médecins. C'est en 1945 qu'un neurologue suédois en a fait une maladie à part entière, qu'il a nommé le syndrome des jambes sans repos, appelé plus court SJR. Depuis, différents traitements ont été essayés. Dans les années 1990, un médicament utilisé pour traiter la maladie de Parkinson a semblé donner des résultats intéressants, mais modestes. L'ennui, c'est que ce médicament peut avoir des effets indésirables graves, notamment à des troubles du comportement, comme une boulimie, une addiction au jeu ou aux achats et surtout une hypersexualité. En effet, les médicaments qui traitent la maladie de Parkinson agissent non seulement sur le contrôle des mouvements, mais aussi sur le comportement en stimulant les conduites impulsives. Des mesures simples comme des étirements, un massage énergétique ou bien peuvent soulager certaines personnes. S'occuper comme faire une activité manuelle par exemple pour avoir une certaine efficacité. Tout cela se discute, mais il est peut-être imprudent pour se débarrasser des fourmis de risquer de devenir un peu excité. Vous me comprenez, vous voyez où je veux en venir. Pas besoin d'un dessin, on est d'accord. On passe à une question qu'on se pose souvent dans la tête. Pourquoi mange-t-on avec des baguettes en Asie? Bonne question. En Occident, nous sommes habitués à avoir un couteau et une fourchette pour manger. Mais en Asie, ce sont les baguettes qui sont imposées, et ce depuis 1600 ans avant notre ère. L'info la plus répandue est que dans la haute société asiatique de l'époque, majoritairement constituée de gens de lettres, les couverts occidentaux étaient considérés comme barbares. Manger avec un couteau et découper sa viande dans son assiette n'était pas assez raffiné. Les baguettes obligeaient les nourritures à être déjà découpées en morceaux avant d'arriver dans l'assiette. Les couteaux restaient en cuisine et tout le monde était content. On dit aussi que les Chinois utilisaient auparavant des couteaux et des fourchettes, mais qu'un empereur un peu parano décida de les interdire. Il avait peur qu'on l'assassine. Or, une baguette de bois est tout de suite plus inoffensive qu'une lame acérée. Une dernière hypothèse pour la route. J'y croyais moyen, mais je ne vais pas vous mentir. Fut un temps où, en Chine, on devait payer un impôt sur le fer. Les familles disposaient que d'un wok et d'un couteau pour par foyer, et le reste de leurs ustensiles était en bois. D'où les baguettes. Là où je suis un peu sceptique, c'est qu'ils auraient pu fabriquer des couteaux et des fourchettes en bois. Mais bon, disons que si la première hypothèse est la plus répandue, ce n'est pas pour rien. Maintenant qu'on sait tout ça, admettons-le, on a beau essayer à manger également avec les baguettes, on galère toujours autant s'en servir. C'est l'heure du petit bonus. Combien d'avions circulent dans la journée? Environ 1200 avions de ligne circulent chaque jour dans le monde. Ce chiffre gigantesque ne concerne que les avions transportant des passagers et non des marchandises. Bref, l'empreinte de carbone liée au voyage a encore de bons jours devant elle. C'est ainsi que s'achève cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Gamozo pour continuer à prendre des choses dans la bonne humeur. Bye bye.